Ici Jacques Beauchamp. Aujourd'hui, l'histoire, la bataille d'Austerlitz, le 2 décembre 1805. Napoléon avait promis à ses troupes après Austerlitz qu'ils rentreraient dans leur foyer sous des arcs de triomphe. Et il aimerait, il fait part de son intention de créer un tel arc de triomphe. Et dans sa perspective à lui, dans son esprit, il le voyait tout près de la Bastille. On le convainc de plutôt faire cette réalisation à l'extrémité des Champs-Élysées actuels, et c'est ce qui nous vaut aujourd'hui l'Arc de Triomphe tel qu'il est à Place de l'Étoile ou Place Charles de Gaulle. La grandeur et l'importance du monument dont parle l'animateur Jean-Pierre Bordieu à l'émission L'Aventure en 1989, le célèbre Arc de Triomphe, est aussi à la hauteur de l'importance de la victoire de Napoléon à Austerlitz. La bataille d'Austerlitz est non seulement une bataille décisive sur le plan politique, elle est aussi devenue le symbole du génie militaire de Napoléon. Austerlitz est en quelque sorte la quintessence de la bataille napoléonienne. Soldats, je suis content de vous. Vous avez, à la journée d'Austerlitz, justifié tout ce que j'attendais de votre intrépidité. Vous avez décoré vos aigles d'une immortelle gloire. Une armée de 100 000 hommes, commandée par les empereurs de Russie et d'Autriche, a été en moins de 4 heures ou coupée ou dispersée. Ce qui a échappé à votre fer s'est noyé dans les lacs. 40 drapeaux, les étendards de la garde impériale de Russie, 120 pièces de canon, 20 généraux, plus de 30 000 prisonniers sont le résultat de cette journée à jamais célèbre. Cette infanterie tant vantée et en nombre supérieur n'a pu résister à votre choc. Soldats, je vous ramènerai en France. Là, vous serez l'objet de mes plus tendres sollicitudes. Mon peuple vous reverra avec joie. Et il vous suffira de dire « J'étais à la bataille d'Austerlitz !» pour que l'on réponde « Voilà un brave. » Extrait de l'émission L'Aventure du 17 janvier 1989. Napoléon, vous l'avez bien entendu, n'est pas peu fier de ses hommes quand il s'adresse à eux le 3 décembre 1805, au lendemain de la victoire française à Austerlitz. Pour nous parler de l'importance de cette bataille, je reçois Stéphane Roussel, spécialiste des questions militaires et géopolitiques, directeur du Centre interuniversitaire de recherche sur les relations internationales du Canada et du Québec. Stéphane Roussel, bonjour. Bonjour, M. Beauchamp. Austerlitz, c'est la plus célèbre des batailles de Napoléon. Pourquoi? C'est effectivement la bataille qu'on considère comme étant le chef-d'œuvre dans une très longue carrière militaire, celle de Napoléon. Il va commander peut-être dans 60-70 batailles. Celle-ci est considérée comme le moment où il exprime le plus harmonieusement, on pourrait dire, si on peut appeler ça un champ de bataille, mais sa pensée stratégique ou la manière dont il mène une bataille. Il y a des conséquences politiques importantes, on va y revenir, il y a des conséquences militaires importantes aussi, mais ce qui donne ce cachet particulier à la bataille d'Austerlitz, c'est le rôle qu'on attribue à Napoléon, c'est la manière dont il va mener cette bataille-là qui va lui donner un cachet particulier. Ouais. Génie militaire, le piège qu'il va tendre à l'adversaire, au fond. Ce qui est au cœur de la bataille. Puis c'est une bataille aussi, Stéphane Roussel, qui est importante pour lui personnellement, comme empereur également. Oui, il est, au moment de la bataille d'Austerlitz, il y a exactement un an qu'il est empereur. Il a été sacré, il s'est autoproclamé empereur le 2 décembre 1804. Un an plus tard, jour pour jour, c'est la grande victoire d'Austerlitz. Et cette victoire-là assure son pouvoir politique en France parce que d'abord, Napoléon s'est hissé au pouvoir politique grâce d'abord et avant tout à ses victoires militaires. Et le fait de remporter une victoire comme ça, in extremis, parce qu'en fait, l'armée française, dans une situation très difficile en décembre 1805, de remporter cette victoire-là permet de consolider son pouvoir politique d'une manière définitive, en tout cas pour les 10 prochaines années. Ouais. Donc, il est bien en selle politiquement. Et c'est une bataille sur l'échiquier européen qui est importante également. Elle aura des conséquences politiques, géopolitiques importantes. Elle va avoir, en fait, on pourrait dire que ce n'est pas une bataille décisive comme par exemple va l'être Waterloo, parce que Waterloo met fin à l'aventure de Napoléon. Mais Austerlitz change la donne stratégique au moment où elle se déroule, c'est-à-dire que la France a plusieurs adversaires devant elle. Cette bataille-là permet d'éliminer l'Autriche dans la liste des adversaires de la France. Et malheureusement pour les Français, ses autres adversaires ne désarment pas, mais à tout le moins, ça donne un répit. Ouais. Ce n'est pas encore ce que souhaitait Napoléon, c'est-à-dire qu'on ne peut pas rentrer à Paris, la fleur au fusil et célébrer. Il y a encore bien des batailles et des campagnes à venir. Mais quand même, ça donne une pause aux Français dans cette guerre. Ça met fin, puis on va y revenir cette série de coalitions contre la France, mais Austerlitz met fin à ce qu'on a appelé la troisième coalition. Il en est où, Napoléon, au moment de cette campagne d'Austerlitz et de la bataille d'Austerlitz? Il est donc, je le dis, empereur depuis un an à ce moment-là. Il s'est graduellement au pouvoir, d'abord et avant tout avec ses victoires militaires. On le voit comme le sauveur de la France. Il n'est pas nécessairement un fin politicien, mais il est quand même capable de saisir le pouvoir donc à partir de ses titres de généraux. Notamment, il stabilise la situation politique en France. Depuis la Révolution, les gouvernements se succèdent rapidement. La France est en guerre constamment avec ses voisins. On veut avoir quelqu'un comme Napoléon, qui a de la poigne comme Napoléon, pour rétablir l'ordre à la fois intérieur et repousser les ennemis de l'extérieur. Il n'est pas encore au fait de son pouvoir. Mm-hmm. En fait, c'est vers 1807-1808 donc qu'il va atteindre le sommet de son pouvoir. Après Austerlitz, dans les années qui viennent, il a encore quelques grandes victoires militaires, il y a plusieurs réalisations politiques qui s'en viennent, mais on le sent, si vous voulez, que c'est vraiment, il est proche du fait de sa carrière. J'ai évoqué la troisième coalition. Il y aura toute une série de coalitions. Parlez-nous un petit peu de ça, du contexte, au fond, qui va conduire à la bataille d'Austerlitz. Il faut comprendre les guerres napoléoniennes et les guerres de la Révolution comme étant, entre autres, il y a plusieurs causes, mais entre autres, la poursuite d'une vieille rivalité entre la France et l'Angleterre. Le Canada, d'ailleurs, a été victime de cette rivalité-là, une rivalité qui dure depuis plus d'un siècle à ce moment-là. Et c'est le énième épisode dans la guerre contre la France et l'Angleterre. Une paix précaire s'est installée entre les deux en 1802, mais dès l'année suivante, en 1803, la guerre reprend. Et là, cette fois-ci, Napoléon va en finir avec l'Angleterre. Il l'a tenté par différents moyens. Cette fois-là, il campe son armée le long de la Manche, donc cette étendue d'eau qui sépare la France et l'Angleterre. Et il attend l'opportunité pour débarquer en Angleterre. Et les Britanniques le savent. Si les Français mettent le pied sur l'île, c'en est fini parce que l'armée britannique est très, très faible. Et ils ont deux éléments dans leur carte, deux cartes qu'ils peuvent jouer. La première, c'est leur marine, la marine britannique, qui est extrêmement puissante et qui empêche le débarquement. Et surtout, ils ont de l'argent. Et ils vont acheter certains gouvernements européens, notamment la Russie, notamment l'Autriche. Ils vont donner des subventions ou des subsides très importants à ces gouvernements-là pour qu'ils rentrent en guerre contre la France. Et subitement, l'armée française, donc, qui est cantonnée le long de la Manche, voit une menace qui apparaît aux frontières est. D'abord, l'armée autrichienne. Et les Russes qui s'en viennent aussi beaucoup plus loin. Donc ça va être déterminant. C'est ce qui va conduire à la campagne d'Austerlitz. Parce que pour Napoléon, l'idée, c'est de s'occuper de ce front qui avance vers lui. Donc les Britanniques, dans un premier temps, réussissent leur coup. Absolument. C'est une victoire stratégique. Le seul fait que les Français doivent tourner leur attention vers la frontière est de la France, c'est une victoire stratégique pour les Britanniques. Ouais. Alors ça commence quand? Ce qui va devenir la campagne d'Austerlitz, Stéphane Roussel? Fin du mois d'août 1805, la menace autrichienne et russe est en train de se matérialiser. Il y a une armée autrichienne qui marche vers les frontières françaises. Napoléon, à la fin donc du mois, le 26 août, prend la décision de lever le camp à Boulogne et de marcher vers la frontière, vers le Rhin, vers la frontière de l'Allemagne. Et ce qui se produit à ce moment-là est absolument extraordinaire, c'est-à-dire que les soldats français vont marcher d'une manière ininterrompue. En fait, ils vont le faire pendant 3 mois, mais à une vitesse qui est absolument extraordinaire. On parle de certaines unités vont marcher 25, 30, 40, 50 kilomètres par jour. En un mois, l'ensemble de l'armée française est établie sur le Rhin, ce qui surprend complètement les Autrichiens. Et en un autre mois de campagne, l'armée française parvient à manœuvrer, encercler et détruire la première armée autrichienne, presque sans combat. En fait, il y a plusieurs escarmouches, mais quand même, la victoire, elle est étonnante parce que d'abord et avant tout par le mouvement, les Français sont venus à bout de cette première armée autrichienne. Et il y a des batailles importantes. En octobre, Ulm, qui va conduire à la capitulation autrichienne. Mm-hmm. Donc, c'est la première armée autrichienne qui était dirigée vers la France, capitule. Elle est encerclée dans la ville de Bavière de Ulm. Le problème pour les Français, c'est que ce n'est encore qu'un répit, parce que les Russes s'en viennent. Ouais. Une première armée russe qui est arrivée en territoire autrichien, et on sait qu'il y en a deux autres qui s'en viennent. Cette course que Napoléon menait depuis la fin du mois d'août reprend encore tout le long du mois d'octobre et du mois de novembre parce qu'on veut tenter de détruire cette première armée russe qui se porte vers les Français. Ouais. Mais quand même, ils avancent. Les Russes avancent, mais les Français aussi. Donc, Ulm qui tombe le 20 octobre 1805, la prise de Vienne le 13 novembre 1805, et on s'approche d'Austerlitz, donc la bataille se déroule le 2 décembre 1805. Avant d'arriver sur le champ de bataille, Stéphane Roussel, un petit mot quand même pour nous dire quelles sont les forces en place qui s'affrontent à Austerlitz. L'armée française est composée, au moment où elle traverse le Rhin, de 200 000 soldats environ, qui sont répartis en sept corps d'armée, donc des groupes de 20 à 30 000 soldats. Naturellement, avec cette marche complètement folle qu'on fait à travers la France, l'Allemagne et l'Autriche, et les garnisons qu'on doit laisser derrière pour occuper le territoire, à la fin du mois de novembre 1805, Napoléon n'a sous la main que 70 000 soldats environ. Enfin, ouais. Et encore, ils sont très dispersés. D'un autre côté, vous avez les Russes et les débris de l'armée autrichienne qui se sont finalement regroupés et qui sont capables d'aligner environ 90 000 soldats. Une des différences, il y en a plusieurs, mais une des différences entre les deux armées, c'est que d'abord, les Français ont l'expérience de toutes ces guerres qu'ils mènent depuis 1792. Les maréchaux français sont très jeunes. Ils ont en moyenne autour de 30 ans, donc ceux qui commandent les corps d'armée de l'armée française, et ce sont des gens très expérimentés. Ouais. En face d'eux, des gens beaucoup moins expérimentés, souvent des nobles qui n'ont à peu près pas d'expérience militaire, et qui ont une espèce de mépris pour cette armée issue de la Révolution. Ouais. Et puis, il y a cette tactique, ce génie militaire de Napoléon dont on parlait au tout début, qui va se déployer sur ce champ de bataille le 2 décembre 1805, le champ de bataille d'Austerlitz, pour comprendre un petit peu l'astuce, le piège, parce que c'est de ça dont on parle, que va tendre Napoléon à ses adversaires. On écoute un extrait de la série franco-canadienne Napoléon, réalisée par Yves Simoneau en 2002. Vous allez y entendre l'acteur Christian Clavier, qui incarne Napoléon dans la série, qui explique justement, à leur grande surprise d'ailleurs, qui explique à ses généraux, c'est quoi le plan? Et je prendrai position le premier. Parce que je vais obliger les Russes et les Autrichiens à livrer bataille là où je leur ai décidé. Nous occuperons les hauteurs, bien sûr. Je vous reconnais bien là, Colincourt. Parce que vous êtes marquis que vous ne pouvez pas vous empêcher de vouloir toiser les gens de haut. Sire, tous les manuels militaires s'accordent pour affirmer que la meilleure position pour livrer bataille et sur les hauteurs. Enfin, ceux qui ont écrit ces manuels n'étaient pas là où nous sommes aujourd'hui. Au fait, où sommes-nous ? Austerlitz, sire. Eh bien, messieurs, Austerlitz donnera donc tort au manuel char à monsieur de Colincourt. Nous offrirons les hauteurs à nos adversaires cette fois. Je vais leur laisser occuper le plateau de Pratzen. Pour qu'ils puissent mieux fondre sur nous ? Non, pour qu'ils croient pouvoir fondre sur nous. La route de Vienne, mes amis, que nous contrôlons. Alors, essayons de placer du point de vue de l'ennemi. À votre avis, à quoi va-t-il surtout consacrer ses forces ? À reprendre cette route et nous couper de nos arrières. Bien vu de l'ennemi. Qu'ils essaient seulement. On va se mettre en travers de leur chemin et les empêcher de passer, avant même qu'ils aient pu faire un pas. Non, c'est moi qui t'arrête, Murat. Cette route, nous allons leur faire croire que nous l'abandonnons. Nous allons faire mine d'être effrayés par la puissance de feu ennemi et nous reculerons. Ce qui encouragera l'ennemi à avancer. Et pour avancer, il devra dégarnir en partie le plateau de Pratzen, au pied duquel l'attendra notre aile droite. Laquelle commencera par reculer. Reculer ? Encore ? Non, juste de quoi laisser l'adversaire s'enfoncer dans le piège, car c'est bien d'un piège qu'il s'agit. Une fois que nous sentirons l'ennemi sûr de lui, trop sûr de lui, nous cesserons de reculer. Bernadotte et Soult, attaquerons le plateau de Pratzen. Tandis que l'âne et toi, moi, vous nous prendrez tous Beaumont d'Arvers. Ça a l'air tellement simple. C'est simple. C'est pourquoi c'est un parapluie. Expliquez-nous un peu plus clairement ce qu'on vient d'entendre. Le génie militaire de Napoléon, il est où dans cette bataille d'Austerlitz? Ici, il faudrait faire la distinction entre deux choses. Dans ce que la légende nous a laissé ou ce qu'on a conçu comme étant de la légende par la suite et ce que les faits historiques démontrent. Si on résume en quelques mots, il y a deux éléments importants ici. C'est que Napoléon, effectivement, tend un piège à ses adversaires. Selon la manière dont on raconte l'histoire, il a dégarni volontairement l'aile droite, ou en fait l'aile sud de son armée pour inciter les adversaires à l'attaquer. Ouais. Il va faire plein d'autres artifices aussi. Il va... feindre une faiblesse. Il va montrer à ses adversaires, il va faire croire à ses adversaires qu'il a peur, ouais, parce qu'il veut qu'il les attaque, qu'il fasse un mouvement et ainsi commettre une erreur. Et au moment où une grande partie de l'armée russe et autrichienne se met en route vers le sud pour tenter de déborder l'armée française, le gros des forces françaises attaque le centre, si vous voulez, le milieu du dispositif, ouais, russe et autrichien, qui à ce moment-là est effectivement dégarni. Et c'est ce qui permet ensuite aux Français, si vous voulez, de se rabattre sur une partie de l'armée. On coupe la force ennemie en deux. Tout à fait. Ouais. Et on détruit la portion sud, si vous, ouais, voulez, de ces forces-là. Bon, c'est génial. Après coup, on se dit, il a tendu un piège magnifique. Mm-hmm. Ses adversaires sont tombés les yeux fermés dans ce piège-là. Mais on l'entend dans l'extrait, ces généraux n'en croient eux-mêmes pas leurs oreilles quand ils commencent à décrire la manœuvre. Il y a un pari là-dedans. Est-ce que tout ça aurait pu ne pas fonctionner? Tout à fait. D'abord, en fait, on ne sait pas à quel moment Napoléon a vraiment conçu ce plan-là. Le dialogue qu'on entend est plus ou moins vraisemblable. En fait, c'est au cours, dans les heures qui précèdent la bataille, qui va concevoir ce plan. Et surtout, l'image qu'on a voulu attacher à Napoléon, c'est l'espèce de dieu de la guerre omniscient qui prévoit, qui tend un piège à ses adversaires et qui prévoit exactement ce qu'ils vont faire. Dans les éléments d'incertitude qui planent et qui font que c'est plus douteux que Napoléon ait prévu tant si bien le déroulement des événements, il y a l'arrivée, Napoléon compte sur l'arrivée juste à temps d'un de ses corps d'armée, celui du maréchal Davout, qui arrive de Vienne, et qui effectivement va arriver juste au bon moment pour bloquer l'avance des Autrichiens et des Russes vers le sud, ouais, et qui va sauver la journée en grande partie. Mais il n'y avait rien qui indiquait à Napoléon que, ouais, Davout arriverait à temps et que ses troupes seraient capables de freiner, comme ils l'ont fait, l'avancée des Austro-Russes. Donc le hasard, la chance, a joué, a aussi été un facteur le 2 décembre 1805. Pour comprendre encore plus concrètement comment ça va se dérouler tout ça, on écoute un extrait de l'émission « Les grandes batailles du passé, Austerlitz, 1805. 9h du matin, l'empereur lance Lannes et Murat avec la réserve de cavalerie contre Bagration et Liechtenstein. Son plan original, déborder l'ennemi sur la gauche et éventuellement l'encercler. Les hussards et les chasseurs de Kellermann et les cuirassiers de Nansouty chargent droit sur les canons russes. Toujours 9h du matin. Maintenant que Kutuzov et Buxhovden sont bien engagés sur la droite, Napoléon lance Soult à l'assaut du plateau de Pratzel. Les divisions Vandamme et Saint-Hilaire vont gravir la pente en 20 minutes. Les régiments de Novgorod et de Petite-Russie s'enfuient vers Austerlitz. 11h30. À gauche, la situation est statique. À droite, Davout a tenu. Napoléon comprend que le sort de la bataille se joue ici, au centre. Alors, nouveau trait de génie, il change son plan. Il envoie Bernadotte occuper le plateau et poursuivre Kutuzov, qui fuit vers Austerlitz. Il donne l'ordre à Soult de faire mouvement sur sa droite pour tomber sur le dos des Austro-Russes. La bataille est pratiquement gagnée. L'ennemi est coupé en deux. En fin de journée, du haut du Pratzen, Napoléon contemple sa plus belle victoire. Le soir, il couchera au château d'Austerlitz, une fois encore dans le lit de l'empereur d'Autriche. Le plan, il fonctionne donc, Stéphane Roussel, même si, on l'entendait dans l'extrait, Napoléon se sera ajusté au milieu de la bataille. Oui. Ce qu'on retient surtout de la bataille d'Austerlitz, on le mentionnait un peu plus tôt, c'est qu'on dépeint Napoléon comme celui qui a élaboré un plan et que ce plan fonctionne comme une mécanique ou comme une horloge exactement. C'est ce qui donne ce trait particulier à la bataille, la manière dont on dépeint Napoléon. Dans les faits, ce qu'on conçoit beaucoup, ce qu'on marque beaucoup plus, c'est que d'abord, Napoléon est quelqu'un qui sait s'adapter aux situations. Oui. Il va s'adapter dans les heures qui précèdent la bataille, il va modifier son plan et il le fait à quelques reprises au cours de la journée. C'est cette flexibilité, cette habilité, beaucoup plus que son habilité à prévoir les mouvements de l'adversaire, qui sont importants dans ce cas-là. Et ce qui est intéressant aussi du point de vue historique, c'est que, vous savez, les généraux qui ont du succès ou les généraux à qui on attribue du succès dans l'histoire, un peu comme les politiciens, sont souvent des gens qui sont très bons en relations publiques. Mm-hmm. Et Napoléon va largement, personnellement, mais aussi les gens dans son entourage, contribuer à reconstruire la manière dont on raconte l'histoire pour donner cette impression du général omniscient qui prévoit déjà les mouvements de son adversaire. Ouais, c'est quelqu'un qui cultive sa marque, c'est quelqu'un qui cultive son propre statut, nouvellement empereur, et donc il se sert d'Austerlitz pour sa propre gloriole. Ce qui nous amène à une question, puis je pense que dans les années récentes, on se la pose de plus en plus, l'historiographie évolue. Mais au fond, bien sûr, Napoléon est un grand général, mais quand on regarde une bataille comme celle d'Austerlitz, on peut se demander, il a une sacrée armée entre les mains aussi, jusqu'à quel point il est le seul responsable de cette victoire éclatante. Exactement. C'est une question qui est fondamentale, surtout si on a tendance à s'arrêter sur cette idée du génie militaire. Et vous savez, c'est quelque chose qui, comme dans bien des cas, difficile de mesurer la contribution d'un individu en particulier. Comment peut-on mesurer le génie militaire, peut-être par les succès, mais fondamentalement, beaucoup plus facile peut-être à observer, c'est de voir que Napoléon a hérité de la Révolution française d'une armée qui est fondamentalement différente de celle des autres puissances européennes, qui est beaucoup plus flexible, beaucoup mieux organisée et qui peut faire des manœuvres et des opérations que les autres ne peuvent pas faire. En fait, sans l'armée héritée de la Révolution, ce génie, entre guillemets, n'aurait jamais pu... Cette grande armée, la grande armée française. Et aussi, on voit que les adversaires de Napoléon vont commencer à remporter des victoires sur l'armée française ou contre Napoléon au moment où ils vont eux-mêmes appliquer les mêmes réformes que les Français ont dû appliquer au cours de la Révolution. Et à ce moment-là, ils peuvent égaliser, si vous voulez, sur le plan organisationnel, sur le plan opérationnel avec les Français. Donc, oui, un grand général, mais sans doute aussi un instrument militaire extraordinaire entre ses mains. Ouais. Est-ce qu'on fait aujourd'hui, pour terminer là-dessus, ces nuances, Stéphane Roussel, en France, elle est perçue comment aujourd'hui encore cette bataille d'Austerlitz par les Français? Les Français, ont passé par plusieurs étapes, si vous voulez, dans leur vision de ce qu'a été l'époque napoléonienne et Napoléon, le personnage lui-même. Et aujourd'hui, on reconnaît toujours que cette bataille-là a une place à part, peut-être, dans l'histoire militaire. Mais on la nuance et on est capable de peut-être s'affranchir un peu de cette aura que l'on attribue probablement de manière exagérée à Napoléon. Stéphane Roussel, directeur du Centre interuniversitaire de recherche sur les relations internationales du Canada et du Québec, merci beaucoup. Merci à vous. Si vous avez envie d'écouter ou de rattraper nos émissions, vous pouvez le faire sur le site Internet d'Aujourd'hui l'Histoire ou en vous abonnant à notre balado-diffusion. Ici Jacques Beauchamp, je vous dis à la prochaine.